FrenchPod.com. Après les fêtes de fin d'année, il y a... La galette des rois. Pas si vite. Laissez-moi d'abord la couper. Voilà. Tiens, Guillaume. Alors, qui va avoir la fève cette année? Maman, je m'étouffe. Je m'étouffe. Ah, je crois que c'est Guillaume. Oh!